Voici votre bulletin régional. Deuxième clinique impôt offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François à Istinguis le 9 mars de 13 à 16 heures et de 18h30 à 20 heures à la Maison des jeunes Actimage, ancienne Légion canadienne, 268 Saint-Jean-Ouest. Souper de fèves au lard et jambon le 10 mars à 17h30 à la salle des Chevaliers de Colomb de Istinguis.